بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymeen. أن certaines femmes, certaines mères, elles habillent leurs filles avec des vêtements très très courts. Et beaucoup de mères, elles se laissent aller quand elles habillent leurs filles. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen, donc certaines mères de famille, elles habillent leurs filles avec des vêtements courts. Hatta une partie des jambes, elles apparaissent, ou une partie du haut du torse, ou les épaules. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen an hada. Et ces mères, elles disent, eux-mêmes, quand elles étaient petites, elles s'habillaient comme cela et ça ne leur a pas fait de mal. Donc ça ne fait pas de mal aux filles. Hada, ça nous montre, comme on a dit dans nos durus, dans Tabukiya, on doit revenir à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Est-ce que hada, ça contredit des textes de notre din amla? Si ça contredit des textes ou ça peut faire du mal à cet enfant, même si la mère elle-même elle a déjà fait, elle essaie de préserver son enfant. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة، لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. Cette mère de famille qui pense que quand elle était petite, elle mettait des vêtements courts, ثم elle a grandi, elle a mis le hijab. Est-ce qu'elle a une garantie pour que sa fille elle va faire la même chose? Elle n'a pas de garantie. Elle n'a qu'une chose à faire, c'est les causes. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن cette petite fille, elle va s'habituer dès son plus jeune âge à découvrir ses cuisses, ou le haut de son torse, ou ses épaules, ou son dos, une partie de son dos. Elle va grandir, ça va devenir une habitude. Mais si la fille, dès son plus jeune âge, ses parents, ils lui apprennent al-hishma, ou al-haya, la pudeur, et même si elle est très petite, on n'est pas obligé de découvrir nos filles, là. Bien sûr, dès qu'elle est très petite, 3, 4, 5 ans, elle va pas s'habiller comme une femme adulte. Lakin ala kulli hal, on lui met des vêtements qui couvrent. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبارها. Et هذا c'est مجرب. أن si cette petite fille, dès son plus jeune âge, elle est habituée à la pudeur et elle est timide, si on prend l'exemple des tenues vestimentaires, quand elle va grandir, بإذن الله عز وجل, ça restera. قال والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركنا لباس أهل الخارج من أعداء الدين. كذلك on fait attention de ne pas mettre à nos enfants des vêtements des ennemis de l'islam عز وجل. Et ne pas dire comme certains ils prétendent, ils sont petits, ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas, là que les parents ils savent. Et anta, tu dois craindre Allah عز وجل, tu n'as pas le droit d'acheter des vêtements qui sont spécifiques au kuffar. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. Donc on n'a pas le droit. On achète, ولله الحمد, des vêtements de musulmans et on habille nos enfants avec هذا الخير كثير. Il y a beaucoup de vêtements, ولله الحمد. On n'a pas atteint un niveau en tant que musulman, on n'a plus de vêtements spécifiques à nous et on est obligé de prendre les vêtements des ennemis d'Allah عز وجل. Et هنا un point important: est-ce que vous avez déjà vu un ennemi de l'islam mettre le hijab à sa fille ou mettre un qamis à son garçon? Vous avez déjà vu هذا? Abadan. Wallah, ils nous détestent tellement que abadan, les personnes qui aiment le plus leurs enfants, ils vont leur donner une apparence de musulman. Hakada nahnu, on doit les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Awthaqura al-iman al-hub fillah wal bughd fillah, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La foi la plus solide, c'est aimer pour Allah, détester pour Allah. Wa la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu. Donc on doit pas donner ces vêtements de nos ennemis aux personnes, ou parmi les personnes qu'on aime le plus, nos enfants. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان. الحياء ça fait partie de la foi. الحياء من الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. On ne se laisse pas aller في هذا. Et la solution, elle est simple. Pour celui à qui Allah y facilite, c'est au départ l'achat. Quand tu achètes, achète pas ces vêtements. Il y en a une fois qu'ils sont chez toi, c'est très très compliqué. Il m'a l'enfant, il veut les mettre. Il m'a la mère, elle faiblit, elle veut les mettre. Il m'a le père, et ça cause des divergences. Et si l'insan, il savait pas, il a ses enfants, il a ses habits, ses vêtements, débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi-en, tu vas très vite les oublier. et tu fais une garde-robe pour tes enfants qui ne contredit pas le Coran ou des textes du Coran ou des textes de la Sunna ou la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in wa naktafi bi hadha. Cette fatwa, la référence dans Fatawa Ulama al-Bilad ou al-Balad al-Haram, page 1212. Fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.